fait. Solitaire, j'ai vu apparaître une sirène. Dans l'eau claire, elle était grande comme un poisson, ou comme un beau yeux vert éclaté de marron. Elle a si doux, je l'ai vu l'espace d'un instant. Si petite, si ouais, et je sais maintenant qu'elles existent, les fées des arbres ou bien de l'eau. Les sirènes, les vouifs qui chantent pour les oiseaux. Toutes nos peurs. Qui de nous venait des grands fonds pour aller mordre la meuse ou bien la meçon. Et dans quelle heure d'un éclair je devins poisson. Et elle humaine au fond de moi la reine fond. À sa fontaine avec elle je nagerai en rond. Dans une ville où jamais on ne tourne en rond. Avec cette fille avec elle je nagerai au fond. De cette ville sans finir en queue de poisson. Au bout d'un fil. Au bout du monde, même si les pêcheurs nous débusquent. Au fond des Londres, même si les sirènes d'alarme. Et à la ronde, ça neige jusqu'au bout de nos larmes. La fin du monde, je sais que je la suivrai jusque. Au bout du monde, même si les pêcheurs nous débusquent. Au fond des Londres, même si les sirènes d'alarme. Et à la ronde, ça neige jusqu'au bout de nos larmes. La fin du monde. Thank you.

Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être fidèles au rendez-vous du vendredi soir à partir de 19h. On écoute de la très bonne musique comme d'habitude. Et ce soir, on va justement... voilà, je règle un petit peu mon micro. Hein. Je vous explique un petit peu parce que j'arrive dans le studio. Le micro, il y a un petit peu d'écho. Donc voilà, j'ai réussi à compenser un petit peu tout ça. Mais hey, c'est les aléas du direct. Et surtout quand on prend l'antenne, au début, on a des petites surprises au départ. Donc on est forcé de retoucher un petit peu les réglages. Voilà. Donc on est ensemble hein, jusqu'à 22h. L'émission commence à 19h. C'est l'émission Mavrika. Aujourd'hui c'est l'édition numéro 651. C'est vrai que le temps passe très vite. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait la promotion des artistes locaux dans l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel et nulle part ailleurs. Hein, c'est-à-dire que les meilleurs artistes sont dans l'émission Mavrika le vendredi. L'histoire. Et depuis le début de l'émission, on a déjà écouté plusieurs artistes mavricains, hein, des artistes qui sont déjà venus dans les studios. On a écouté, entre autres, Tranchac à l'Express, avec une chanson qu'on écoute assez rarement. On va peut-être changer un petit peu, et puis la passer de plus en plus régulièrement. Il s'agit de Sirène Salsa. On la continue avec un autre projet qui est déjà venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Glass Zone avec Just a Pound. Et juste avant de prendre l'antenne et discuter avec vous, il y avait aussi Joël Dubreuil. Alors vous vous souvenez de Joël Dubreuil, il est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et à chaque fois il a amené sa guitare et jouait en direct. D'ailleurs c'est un morceau qui a été enregistré en direct dans l'émission numéro 178, donc ça date déjà depuis pas mal de temps. Alors je vous explique un peu comment ça se passe. Joël préparait un petit peu la musique chez lui dans son studio, il l'a amené ici, on diffusait la musique et lui avec sa guitare il jouait en direct live. Donc ça a été vraiment un enregistrement qui a été fait en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors en plus c'est un petit clin d'œil à l'émission Mavrika puisque ça s'appelle Mavrika's Dream, voilà le rêve de Mavrika, et c'est une émission de rêve, hein, il faut bien le dire. Et on est dans le studio mythique de Radio Arc-en-Ciel à 5 minutes du centre d'Orléans à Fleury-les-Aubrais. Donc on va écouter de la bonne musique, on va écouter les artistes locaux, les artistes que vous écouterez en 2050 dans les autres radios. Nous, on les a déjà ici, on les découvre aujourd'hui. Et donc, on va continuer justement ce petit voyage dans la musique d'Orléans avec un groupe qui s'appelle Burning Head. Voilà, c'est un groupe que vous connaissez déjà et qui n'est pas seulement sur Orléans. Il est un peu dans le monde entier. C'est un groupe qui a tourné un peu dans le monde entier, on va le dire comme ça. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est In My Head. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Mission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h. J'ai plein de bonnes choses à vous faire écouter. Voilà, voilà, voilà, c'est le groupe RN6 avec Muscle Beauty. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On calme un petit peu les décibels et on retrouve notre ami Mourad. Je rêve encore sous la lune, au hasard d'un bivouac, et je compte une à une les étoiles en vrac. Je m'imagine en pur sang devant les grands espaces et la crinière au vent. J'oublie l'homme qui chasse. Il y a des chants qui me reviennent, de beaux souvenirs d'enfants sages, de beaux souvenirs d'enfants sages. Et je vois passer dans la plaine, au galop, les chevaux sauvages,

que de la bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être avec nous, merci d'écouter les artistes locaux. C'est ici que vous découvrez les artistes. Et en plus, on remonte un petit peu dans le temps, puisque je vous ai fait une petite série avec des groupes qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qui sont passés dans l'émission Mavrika, puisque l'émission Mavrika a quand même 15 ans. Donc beaucoup d'artistes sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, à partir du mois de septembre, les artistes vont revenir dans les studios. Là, on est encore en vacances, on est encore au mois d'août. Il y en a certains qui n'ont pas encore repris le travail. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre encore un petit peu et on va recevoir donc des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, comme vous en avez l'habitude tout au long de ces 15 dernières années. Voilà. Alors, on a écouté plusieurs groupes. Hein. On remonte depuis RN6 avec les titres très courts. Hein. Vraiment, ils le font à la Ramones, hein, un peu. Le groupe RN6 avec Muscle Beauty. On a continué avec Mourad, notre ami Mourad d'ailleurs qui passera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous donner son nouvel album. On va essayer de caler une petite date pour qu'il vienne nous le présenter. On a écouté un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Femme Parfaite, avec de très belles paroles et une très belle mélodie aussi. On a écouté aussi Mandrake, un groupe qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais qui est déjà venu de nombreuses fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et si vous vous souvenez bien, c'était le premier groupe que j'ai reçu dans l'émission Mavrika. Donc ça date déjà depuis pas mal de temps. Donc pour l'instant en stand-by, mais les enregistrements sont là et on vous les écoute avec beaucoup de plaisir. Alors on a écouté Les Chevaux Sauvages, une très belle chanson, très bien écrite. Hein. Moi j'aime bien sa manière d'écrire à Guillaume du groupe Mandrake. On a continué avec la bande à Pierre Boisseau, donc la bande à Pierrot. Alors on a écouté un morceau que j'aime beaucoup, ça s'appelle Les Mains de mon père, et c'est une chanson que je pense touche beaucoup de gens. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on écoute Pierre Boisseau avec la bande à Pierrot. Un autre groupe qu'on a écouté aussi, c'est le groupe Tomia, un groupe que j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion de concerts. Ils sont venus plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe que j'aimais beaucoup, hein. Franchement, c'était super bien. Le titre que je vous ai dégoté, j'ai fouillé dans les cartons, hein. J'ai trouvé ce vieux morceau, mais que j'aimais beaucoup et que ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté. Ça s'appelle Fancy Dress. On a continué aussi avec un autre groupe qui n'existe plus, c'est le trio Lady Bird. Elle était venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je me souviens, on avait pris des photos super sympas avec elle. D'ailleurs, plusieurs membres ont recomposé un autre groupe, donc on va sûrement les revoir. C'est comme ça, hein, dans la vie, il y a des groupes qui se font, des groupes qui se défont, et nous, on continue à suivre les artistes dès qu'ils font de la musique, dès qu'ils ont quelque chose à nous proposer. Ils viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et ils nous parlent de leur travail. Donc les Lady Bird avec This Is My Harbor. Juste après, c'était le groupe Halls 2.0, un groupe qui, je suppose, n'existe plus, puisque j'entends plus, il n'y a plus d'activité du tout. Le morceau qu'on a écouté, c'est un morceau qu'on a rarement écouté, ça s'appelle Léon. On a écouté aussi le groupe Problem Solved, un groupe qui n'existe plus, encore une fois, même sur si vous cherchez dans les réseaux sociaux, on trouve plus rien. Le morceau s'appelle Make Thing Change. On a écouté aussi le groupe Welcome Noise, qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années avec In Your Honor. Et à l'instant, on vient d'écouter Devon Miles avec Golden Cage. Voilà. On va calmer peut-être un petit peu les décibels. On va rester un petit peu dans les souvenirs. Alors, il y avait un groupe qu'on avait découvert qui est venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils avaient aussi interprété des morceaux avec Mandrake. Il y a eu des collaborations qui ont été faites pendant un certain temps. Il s'agit du groupe Mabkara. Et le morceau que je vous propose d'écouter maintenant, ça s'appelle Sometimes. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Quel beau souvenir, Mapcara, avec Sometime. Juste après, on va écouter un autre groupe. Alors, un groupe qui sera en concert la semaine prochaine, le 30 août, au Parc Pasteur. C'est dans le festival de l'assaut Défi, un autre monde. Le groupe s'appelle The Happy Go Lucky Band. Et le morceau que l'on va écouter maintenant s'appelle Red Clay Halo. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Quand même, The Happy Goes Lucky Band. Donc, je vous rappelle, vous pouvez les voir. Donc, ça sera le 30 août au Parc Pasteur. Donc, c'est eux qui ouvrent la soirée. Donc, il y aura plusieurs artistes. Hein. Entre autres, il y aura Tiziana Valentini, Christian Olivier des Tetraed et DJ Santo et Blue Demon. Et si vous y allez le 29, il y aura les Sukhoi Fever, il y aura Pete Sampras et il y aura les Burning Head. Donc, que du beau monde. Et c'est organisé par le festival de l'assaut Défi. Festival, c'est ça s'appelle Un Autre Monde. Voilà, c'est au Parc Pasteur le 29, le 30 août 2025. Voilà. Un autre groupe que nous allons écouter maintenant, ça s'appelle Sonic Lag. Et ce groupe-là, il fera partie de l'affiche du prochain Mavrika Live, donc le 25 octobre. Ils seront en concert avec l'association Mavrika, tout simplement. Et le titre que je vous propose d'écouter maintenant s'appelle Color of the Sky. Derrière tes lunettes noires, le groupe IFP, Infernal Flash Pep, voilà, un très bon morceau. Et puis malheureusement, ce groupe-là n'existe plus aujourd'hui, mais il nous a laissé une fois de plus de bons enregistrements et ça nous fait plaisir d'écouter un morceau qui dure 6 minutes et quelques quand même, donc ça envoie, ça envoie, ça envoie. Voilà, on va continuer avec un autre groupe qui chante en français aussi, qui est venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe s'appelle Rascasse et on va écouter juste après le titre, c'est la première fois qu'on le diffuse, hein, depuis qu'ils sont passés, hein, parce que dernièrement je passais souvent le titre MD et ce soir je vous diffuse le titre Lilou. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission. Ah voilà, ils reprennent, hein, ils n'ont pas fini encore. Le titre est pas assez long, 6 minutes c'est pas assez, donc Infernal Flash Pep avec derrière tes lunettes noires. Et maintenant, Rascasse avec Lilou. Quoi de mon écrasante défaite? je n'y aime que du feu. Tu l'as su. J'adore ce morceau-là, hein. Ça s'appelle L'Insight, ça fait plusieurs semaines que je vous le diffuse sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Maverica, et le morceau s'appelle Défaite écrasante. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, juste avant c'était Rascas avec Lilou, et juste après ça sera un artiste qu'on aime beaucoup, hein. On diffuse assez régulièrement, il est déjà venu plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, d'ailleurs il va pas tarder à revenir aussi, on a déjà marqué une date, je me souviens plus exactement quand, mais je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Il s'agit de monsieur Alex Le Bail, et le titre qu'on va écouter maintenant s'appelle Heure après heure. Je sens comme un brouillard.

caché un secret au plus profond du granit. Offrir le feu sacré qui brûle sans limite. Le ta fiale. Mais que des connexions cumulées, moi j'aime. Sur tout journal de haine, histoire personnelle, à chaque la plus belle. Allons, ma femme, you like ma femme tonight. Allons, ma femme, you like ma femme tonight. Avec le titre Fun, c'est tiré de l'album Fun aussi, voilà. Juste avant, c'était un autre groupe de la Mavericks Family. Il s'agit du groupe Turn Off avec James Carter. Et juste après, nous allons écouter un groupe qui n'est pas encore venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour présenter son travail, mais qu'on suit déjà depuis pas mal de temps. Il s'agit du groupe Benzine. Benzine, le groupe d'Orléans, qui nous interprète un morceau qui s'appelle Baby It's Okay. Au fait, à propos de Red Daff, il fera partie de l'affiche du prochain Maverick Alive le 25 octobre à l'espace Bérère, donc pour le Maverick Alive numéro 15.

merci d'être toujours aussi nombreux à écouter Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika le vendredi soir avec les artistes locaux. Voilà, les meilleurs artistes sont dans l'émission. Et d'ailleurs, on a écouté tout à l'heure le groupe Red Daff avec Phone. On a écouté Benzine avec Baby It's Okay. Last Reader avec One With The World. Le groupe Prisma juste avant avec Crazy Night. Et actuellement, c'est le plus australien des groupes orléanais, le groupe The Cross Band avec Come For Me. Juste après, on va écouter Vlad Piton avec I Want You Bad. On est ensemble jusqu'à 22h avec des artistes locaux de la région orléanaise. Oh baby, you're so excited. Oh baby, I want you this night. Oh baby, for this first night, you want to give me satisfaction. Don't be afraid, I don't care tonight. Come on, baby, 'cause I want you bad, bad. I want you bad, bad. 'Cause I want you bad, bad, bad, bad. To kill. Oh baby, you're looking for a thrill. Oh baby, tease me and please me. Do not you love me, just a dream. Oh baby, you're so fantastic. Oh, I love that, I love your body. Tomorrow we'll be dead. Oh baby, I'll be Le groupe Jash sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Ce groupe, voilà, un groupe que j'aime beaucoup. Hein. Ils étaient venus au dernier Mavrika Live. Alors, ils ont déjà joué sur la scène, mais ils viennent aussi en tant que spectateurs voir les autres artistes. Et ça, c'est important. Voilà, les artistes sont aussi des spectateurs. Ils peuvent aussi aller voir d'autres personnes. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est rassembler le maximum de gens autour de la passion de la musique. Et c'est ce qu'on fait régulièrement avec les Mavrika Live. En tout cas, Jash vient d'interpréter un morceau qui s'appelle On My Lips. Juste avant, c'était The Wilds, un groupe de la région parisienne, avec un titre qui s'appelle Don't Go. Et on avait écouté aussi Vlad Piton avec I Want You Bad. On continue avec un autre groupe qui a déjà participé aussi à un Mavrika Live. Et ils sont déjà venus aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, bien entendu. Il s'agit du groupe Custom. Et le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Only Revolution. I'd like to know why the children's crying. Oh, I'm their boy. I'd like to know if they know they will arrive in a big mistake. I'd like to know that the day will come or they will have to choose. I'd like to know if they feel how the hardest way is coming now. And I said, I'd like to know that a day will go on, or bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Florent Amigo. Et oui, ça y est, je suis revenu de vacances depuis mardi. J'enregistre toutes les émissions 7 jours sur 7. Bonne soirée avec l'émission d'Albino Manrica. Bonne émission, c'est Florent Amigo. Salut tout le monde, c'est Recto Verso sur Mavrica. Bonne écoute. When the wind picks up and shakes my grounds, I freeze in place, afraid to turn around. The shadows move, I lose my way. A brand new world, but I can't obey. But I can't obey. What if I fall? What if I break? What if the light just fades away? Chance means diving into the unknown. But maybe that's where I find a home. But maybe that's where I find a home. The day slips by, the routine fades out. Every step forward comes with doubt. Still there's a whisper calling me now. That fear can turn something clear. Something clear. What if I fall? What if I break? What if the light just fades away? Chance means diving into the unknown. But maybe that's what I find at home. But maybe that's what I find at home. But maybe that's where I find a home. I see the signs, but I still stall. Afraid to rise, afraid to fall. But maybe feels just hope in this rise, waiting for me to open my eyes. Ties we sever, make space for something new. Maybe better. And maybe there's a part of me ahead that only waits when the past is shared. Oh yeah. What if I fall, if I break down, I find my way back from the ground. Chance means diving into the unknown. But maybe that's how we grow, how we truly grow. But maybe that's how we grow, how we truly grow. What if I fall, what if I break? What if the light just fades away? Chance means diving into the trapped in my brain. I don't belong to you, and you don't belong to me. This town is going to make me mad. Hey, don't be sad, going away. I'm going to shut the door. I'm gonna leave for a better way. It's time to go. I'm he stares at me and goes away in this burning desert. Ça fait peur. Dans les bras, ça tombe. Tout ça vient, ça casse, ça fait pleurer. Tout ça vient dans ma vie, je sais. Elle est là, toujours, j'y crois encore. Il est là, maman. Pourquoi la vie c'est ça? Maman, pourquoi c'est dur comme ça? Maman. D'où ça vient? Dans le noir, ça gronde. D'où ça vient? Ça tremble, ça m'affole. Dans les bras, ça court. D'où ça vient? Ça se prépare, ça fait bizarre. D'où ça vient? Dans ma vie, je sais. Elle est là, toujours, j'y crois. Découvert il y a quelques semaines, quelques mois déjà, hein, ça fait déjà un petit moment qu'elle est venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel nous présenter ce single. Ça s'appelle Maman Pourquoi, c'est frais, c'est super agréable à écouter, c'est Mayel. Juste avant c'était Sky Oddity avec Broken Dreams, et encore avant c'était le dernier titre des Recto Verso avec Don't Be Afraid, qu'on écoute toujours avec autant de plaisir. Maintenant on va faire un petit tour du côté entre Paris et Bordeaux. Vous savez de qui je parle, de monsieur Dorenlo, c'est le groupe, on va dire comme ça, et c'est monsieur Pierre Dorenlo qui chante, et on va écouter justement un morceau qui parle d'un café qui s'appelle Coralie Café, et on va se boire un petit café, hein, tiens, il est pas trop tard encore. Vous êtes dans l'émission Mavrica et on est ensemble jusqu'à 22h. moitié sur le corps à lit café. Mettent leurs lunettes de star pour camoufler leurs regards. Dans la benna où ça se promène tout au nu. Moi ça m'en fout tout ça quand je les vois dévêtus. Lunettes noires sur le nez, Walkman aux oreilles. Visières sont bien calées, je suis sûr qu'elles nous matent. Dans un abricotier sous le corral et le café. Mettent leurs lunettes de star pour camoufler nos regards. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. Allongé sur le ventre, lunettes noires sur le nez. J'attends qu'au bar elle rentre, je ne peux plus me relever. Si tu vas à Naosa, t'as jamais vu ça. Sont là tout l'été, petit saint de bronzé. La vue de ces reines de simples artifices. La vue de leur calice, et moi j'y pense à peine. Tiens. Seulement le dilemme, c'est que ces filles de rêve, tout le temps on les aime, et si on les écoute, on en rêve. Mais tout le monde s'en fout. La crise est partout. Mais tout le monde s'en fout. La crise est partout. Mais tout le monde s'en fout. La crise est partout. Mais tout le monde s'en fout. Coralie café, traquenard pour connard, y'a du caviar dans les bars. Dans la baie de Naosa se promène toute nuit. Moi ça m'en fout tout ça quand je les vois dévêtus. Lunettes noires sur le nez, Walkman aux oreilles. Visières sont bien calées, je suis sûr qu'elles nous battent. Seulement le dilemme, c'est que ces filles de rêve, tout autant on les aime si on y croit en rêve. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. Monsieur Dorenlo, Pierre Dorenlo, avec le groupe Dorenlo, hein, c'est son projet, ça s'appelle comme ça, Doren, plus loin, tiré, plus loin, l'eau. Et c'était Coralie Café, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, on est ensemble encore pour à peu près une demi-heure, hein. Donc profitez-en au maximum, parce que j'aurai pas le temps de diffuser tous les morceaux que j'avais prévus, une fois de plus. Mais et en plus, la semaine prochaine, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous annoncer, c'est que il y aura pas d'émission Mavrica. On va essayer de voir si on peut organiser à diffuser une playlist des groupes de la Mavrikas Family, on va voir, mais en tout cas la semaine prochaine je serai pas là, mais vous inquiétez pas, à partir du mois de septembre on va commencer à recevoir des invités, je suis en train de faire le programme, c'est un petit peu compliqué parce que bon, il y a des dates qui sont très demandées, d'autres qui le sont beaucoup moins, on va essayer de caler tout ça et ça va se faire. C'est toujours un plaisir de recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, de les découvrir, et à chaque fois c'est des bonnes surprises. En tout cas on passe de très bons moments dans l'émission Mavrikas avec avec nos invités. On va continuer avec un autre groupe juste après. C'est un groupe qui participera au prochain Maverick Alive. Ils sont venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'ai été époustouflé parce que c'est un super bon groupe, de superbes musiciens, une superbe voix pour la chanteuse. Il s'agit du groupe BRS. Ils seront donc au prochain Maverick Alive le 25 octobre. Ils sont à l'affiche, hein. Et ils nous font de la très bonne musique. Franchement, j'adore. Et le morceau que je vous propose maintenant s'appelle Run to You. Voilà le groupe BRS Band. J'adore ce groupe, ben voilà, en tout cas c'est une super découverte, de très bons musiciens, une très belle voix, et je suis vraiment content qu'ils aient été sélectionnés pour le prochain Maverick Alive. Donc le 25 octobre, on compte sur vous pour venir les applaudir. Vous avez de la chance d'avoir des très bons groupes dans la région orléanaise, on arrive à les réunir sur une grande scène, donc venez les applaudir, c'est très important. Et puis n'oubliez pas aussi, il y a le festival Un Autre Monde vendredi prochain, le 29 et le 30, avec une superbe affiche, donc renseignez-vous et allez le vendredi ou le samedi ou les deux, hein, voilà, applaudir les artistes de la région, c'est vraiment important pour eux et c'est vraiment important pour la musique, hein, pour la culture, etc. Donc vous êtes dans l'émission Mavrica, on continue avec de la bonne musique, on va continuer avec un groupe que nous avons découvert en 2025 avec beaucoup de plaisir, hein, franchement, c'est un groupe que j'aime beaucoup, ça s'appelle The Last Magic Doors, et le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qu'on écoute pas trop souvent, donc je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu, on va écouter Ed Height. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica, et juste après, ça sera Drive to Amnesia avec Eye to Eye. We don't wanna hang out. groupe Drive to Amnesia avec Eye to Eye. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir les groupes en concert. Et d'ailleurs, on va reparler à nouveau. Un autre monde, c'est le festival de l'Assaut Défi le 29 et 30 août 2025 au Parc Pasteur d'Orléans. Il y aura le groupe Sukhoi Fever que nous avions eu la chance de recevoir une fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Depuis un petit moment, c'était un peu le calme plat. Ils reviennent, donc allez vraiment les voir. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir en concert. Ah, c'est des éliminés. Hein. C'est des, ils sont à fond dans leur musique et c'est vraiment un plaisir de les revoir. Donc il y aura aussi Pete Sampras qui est, c'est Pierre, l'ancien chanteur des Burning Head qui aujourd'hui fait carrière solo. Et ensuite il y aura le vendredi soir aussi les Burning Head eux-mêmes, les vrais, hein, le mythe. Voilà. Le samedi il y aura The Happy Go Lucky Band, Tiziana Valentini, Christian Olivier, donc des têtes raides, et il y aura DJ Santos et Blue Demon. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut sur place hein, pour passer un très bon moment. Et ça, c'est vraiment une date à ne pas louper vendredi prochain et samedi prochain. Et puis la semaine d'après, ça sera le 7 septembre, donc ça sera le dimanche à Stalsy chez nos amis des Red Daff. Il y aura aussi donc le Brock'n'Roll, donc vous avez la possibilité d'aller là-bas et d'acheter d'échanger ou de faire ce que vous voulez, un petit commerce avec tout ce qui concerne la musique. Donc ça peut être des instruments, ça peut être des équipements, ça peut être plein de choses hein, différentes. Et il y aura aussi des concerts. Donc il y aura le dimanche 7 septembre à Talcy dans le 41. Il y aura à 15h30 Telegraph Road. C'est un groupe tribute des Dire Straits. Donc j'espère que vous aimez ce groupe-là. Je crois que c'est un groupe mythique. Donc un groupe tribute des Dire Straits, c'est à ne surtout pas louper. Il y aura à 11h30, tiens, c'est pas dans l'ordre. Donc on va reprendre tout dans l'ordre cette fois-ci. À 11h30, il y aura donc Peter Crazy Cash sur la scène à partir de 11h30, voilà. À 13h30, donc ça se passe autour de midi, hein, voilà. Finalement, ça chôme pas toute la journée. Il y aura des concerts. Il y aura le groupe Hardway que nous avons eu la chance de découvrir il y a quelque temps. Un groupe de reprise avec de super musiciens. Franchement, ouais, ça envoie. Et une super chanteuse aussi. Le groupe Hardway, ça sera 13h30 et à 15h30, donc il y aura Telegraph Road que je vous ai déjà annoncé tout à l'heure. Voilà, un concert ne pas louper. Et puis la semaine prochaine, donc il y aura pas d'émission Mavrika, je vous l'ai déjà dit. Et on va essayer de vous caler une petite playlist si c'est possible. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine d'après. Vous inquiétez pas, il y aura bientôt les invités qui vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Donc, si vous avez envie de nous voir, vous avez assez de concerts là. Moi, je serai sur place, en tout cas pour le vendredi. Vendredi et samedi prochain, et aussi pour le dimanche suivant, donc le 7 septembre à Talcy. Voilà, on est dans l'émission Mavrika. Je voulais remercier tous les gens qui ont écouté cette émission parce que c'est vraiment formidable d'être suivi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait tellement de gens qui sont intervenus sur Facebook. Allez-y, vous pouvez y aller tout le long de la semaine. Vous pouvez aller voir le Facebook de l'émission Mavrika. Ça s'appelle Mavrika Albino, tout simplement, puisque c'est le nom de l'animateur. C'est moi qui vous parle. Donc, et vous pouvez regarder les photos, vous pouvez regarder toute l'actualité, les petits commentaires aussi, ça fait plaisir, donc vous pouvez nous mettre des petits pouces, ou alors vous pouvez nous mettre un petit commentaire, et c'est là que se rejoignent tous les musiciens, donc n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager, et par rapport à la musique, hein, bien entendu. Et puis, il y a les photos et tout ça, donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Je voulais aussi vous dire, tiens, si vous avez des petits messages à nous envoyer des choses un peu plus compliquées, vous pouvez le faire justement sur l'adresse mail mavrika@live.fr. Donc ça, c'est pour tous les groupes qui veulent aussi participer au Mavrika Live, tous les groupes qui veulent aussi participer à l'émission, parce que souvent on passe à l'émission avant d'aller dans les Mavrika Live. Donc n'hésitez pas à venir dans les studios Radio Arc-en-Ciel. On prévoit une date, vous venez, on vous joue, vous nous présentez votre travail, et on est vraiment content de passer une soirée avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis je voulais remercier tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous les musiciens qui sont venus ici depuis le début, donc ça fait plusieurs centaines hein, quand même. Et puis on va remercier aussi notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrika. Il est revenu de vacances, il va donc préparer les podcasts, hein. En tout cas dans l'émission Maverika, il n'en loupe pas une, il fait toutes les émissions, vous pouvez les réécouter si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter en direct, et donc on ne peut dire qu'une chose, merci Florent, voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant, on ne va pas se quitter sans écouter un morceau de Hardway, justement on parlait d'eux, le morceau Hardway, c'est un groupe de reprises, et le morceau qu'ils ont repris, c'est un morceau qu'ils ont repris d'un titre de Blondie. Bon, ça me rappelle ma jeunesse, hein, c'est assez éloigné pour les jeunes, ça ne leur dit rien du tout. Mais Call Me, c'est le titre de cette chanson. Peut-être en l'écoutant, vous allez reconnaître. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverika, on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà la version de Call Me, voilà, dopée aux amphétamines par le groupe Hardway. Voilà, superbe musicien. Et puis n'oubliez pas, allez les applaudir le 7 septembre donc à Talcy pour le Brock'n'Roll. Ils seront sur scène à 13h30, hein, si je me souviens bien. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, ça a été super bien parce que il y a plein de gens qui y sont intervenus et ça fait vraiment plaisir de savoir que cette émission est écoutée par autant de personnes. Donc continuez à nous écouter, continuez à nous encourager et on continuera à faire cette émission très très très longtemps en tout cas. On va terminer avec un monsieur qui est déjà venu plusieurs fois dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, qui a même été chroniqueur pendant 3 ans dans l'émission. Vous voyez de qui je veux parler. Il s'agit de notre ami David McLane et lui il propose de tout changer, hein, changer le monde tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ce que je voulais vous dire, c'est les phrases magiques: que le rock'n'roll soit avec vous, une vie sans musique serait en une erreur, et everything is gonna be alright. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, une très bonne semaine. On se donne rendez-vous donc pas la semaine prochaine puisqu'il y aura pas d'émission Mavrika, ou alors une playlist, et on se donne rendez-vous donc le 5 septembre dans l'émission Mavrika. D'ici là, on se tient en courant, vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika et c'est là qu'on vous dira tout ce qu'il faut. On termine donc avec notre ami David McLane, Changer le monde. Comme on marche sur la même terre, sous le même ciel immense, les rêves brisés se serrent, cherchons-nous une nouvelle chance. Les rues miroirs de nos vies, les secrets cachés sous l'asphalte, l'espoir résonne comme un cri, faisons briller nos étoiles. Changer le monde, mais en mieux, une flamme dans nos yeux, c'est maintenant ou jamais, pour bâtir demain sans regret. Les montagnes à franchir, les rivières à traverser, avec le cœur, on peut dire, nous allons tout transformer. Unis par cette lumière que le doute ne peut éteindre, pour une ère plus sincère où chacun pourra s'étendre. Changer le monde, mais en mieux, une flamme dans nos yeux, c'est maintenant ou jamais, pour bâtir demain sans regret. Cette lumière que le doute ne peut éteindre, pour une ère plus sincère où chacun pourra s'étendre. Changer le monde, mais en mieux, une flamme dans nos yeux, c'est maintenant ou jamais, pour bâtir demain sans regret. C'est la tournée du baron, la bouteille à la main, on balance une chanson, ouais, goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. On se porte au fond du bar et le temps est donné, on se prend pas pour des stars, mais là, savez-vous qui, tout celle qui est bon, c'est bon qui manque des pieds, comme les vers que je chante, qu'elle y manque des pieds. Et tiens, quitte à parler de verre, le bien est vide, par où fait ta tournée, ma gorge devient ride. Le voilà notre cachet, on nous paye en liquide. Il suffit d'un pichet et le jeu devient fluide. désir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance une chanson. Ouais, écoute à ce refrain, c'est la tournée du baron. Ok, j'ai pas la voix de Freddie Mercury. À la guitare, c'est pas un Hendrix ou Chuck Berry. C'est pas notre intention de remplir l'Olympia. Pour la télévision, on n'a pas grand format. On gagnera pas d'argent et oh, on s'en fiche. Je considère souvent que j'ai un public de niche. Et là, je suis sincère, c'est pas pour dénigrer. Mais au dernier concert, seul mon chien est resté. C'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance les chansons. Ouais, écoute à ce refrain, c'est la tournée du baron. Si ce que je raconte ne te plaît pas vraiment, j'avoue je n'ai pas honte, ça plaît à mes parents. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai le micro. Je peux gueuler comme un con, je peux même chanter faux. Toi qui apprécie ou qui trouve pas si mal nos petites mélodies et nos refrains bancales. Allez, je t'encourage, reprends avec moi. Gueuler comme un sauvage, faire ça ce qui n'est pas. Est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance le chanson. Ouais, goûte à ses refrains, c'est la tournée du baron. Laisse ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance le chanson. Ouais, goûte à ses refrains, c'est la tournée du baron. Laisse ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance le chanson. Ouais, goûte à ses refrains, c'est la tournée du baron. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Um ano e outras instituições internacionais. Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico já tinha afirmado que a confirmação da fome por parte da ONU em algumas partes de Gaza é absolutamente horrível e totalmente